إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 37 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah. Et on est arrivé dans l'explication du hadith de Jibril, et c'est la preuve qui est tirée de la sunna au sujet des points qu'on a mentionnés au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est al-iman, qu'est-ce que c'est al-ihsan, et les détails de ces questions-là. Donc le Cheikh Al-Fawzan, comme on l'avait commencé la semaine passée, il explique maintenant donc le hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu au sujet de l'islam, qu'est-ce que c'est? Il a dit: al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqim as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahujj al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام التي لا بد منها والتي ان تحققت ووجدت تحقق الإسلام، وما زاد عليها من الأمور الأخرى فهي مكملات. Donc le cheikh explique que l'islam, donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que l'islam, premièrement, c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Que tu établisses la salat, que tu donnes la zakat, que tu fasses le jeûne du ramadan et que tu fasses le hajj à Mecca si tu en as la capacité et le moyen. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à Jibril les piliers donc de l'islam que chaque musulman doit connaître et chaque musulman doit appliquer. Et si ces piliers sont appliqués et respectés et réalisés, alors la personne a établi son islam, a réalisé son islam. Et ce qu'elle fait de surplus, en plus de ces cinq piliers-là, eh bien c'est considéré comme quelque chose qui vient compléter et parfaire son islam. Hein? Donc il y a les cinq piliers, et puis qu'est-ce que tu fais de plus, en surplus de ces cinq piliers-là, ça c'est pour compléter et pour parfaire ton islam. Le cheikh dit ensuite: فالرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على بيان أركان الإسلام لأن الجواب كلما كان مختصرا كان أسهل على المتعلم والسامع وسهل عليه حفظه ووعيه، وبينما لو طول الجواب تشعب على الحاضرين وربما أن أكثرهم لا يستوعبه. فهذا دليل على أن المسؤول ينبغي أن يتوخى الاختصار مهما استطاع ويقتصر على الشيء الضروري، وإلا فالإسلام أكثر من ذلك وهذه أركانه ودعائمه التي يقوم عليها. Donc le cheikh, il explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a résumé sa réponse et son explication au sujet de l'islam. Il a donné un résumé à cet homme. Il lui a expliqué les cinq piliers. Hein? Et pourquoi il a résumé? Parce que plus la réponse est courte ou résumée, eh bien, plus ce sera facile pour la personne qui enseigne et pour la personne qui apprend de bien comprendre qu'est-ce qui est expliqué et qu'est-ce qui est clarifié. Et tu pourras le mémoriser plus facilement et le comprendre plus facilement également. Mais si on te donne une réponse qui est très très longue, très très élaborée, eh bien, dans un cas pareil, tu risques, yani, de mélanger les gens à qui tu t'adresses, et la plupart d'entre eux risquent de ne pas être capables de comprendre qu'est-ce que tu es en train de leur expliquer. Hein, tu les perds au milieu de ton explication, tu les perds parce que tu rentres dans trop de détails. Donc, ça c'est une preuve que lorsqu'une personne est questionnée au sujet de quelque chose, elle doit essayer le plus possible de faire une réponse courte et résumée, et de se limiter à ce qui est nécessaire. Sinon, on sait très bien que l'islam, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'islam, c'est beaucoup plus que ces cinq piliers. Hein? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est limité à ces cinq piliers-là, parce que c'est sur ces cinq piliers que le reste de la religion est construit et établi. Le cheikh il dit ensuite, « قال صدقت هذه عجيبة ثانية قال فعجبنا له يسأله ويصدقه فدل على أنه عالم وأنه لا يسأل سؤال جاهل وإنما يسأل وهو عالم بدليل أنه قال صدقت فدل على أنه عالم فلماذا يسأل. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu au sujet des cinq piliers de l'islam et qu'il lui a expliqué qu'est-ce que c'était, eh bien l'homme a répondu, tu as dit vrai. Donc ça c'est la deuxième chose étonnante, hein? En plus que c'est un étranger et qu'il n'avait aucune trace de voyage sur lui, hein? On ne le connaissait pas et il n'était pas voyageur, donc ça c'est une chose étonnante. Il vient, il s'assoit devant le messager sallallahu alayhi wa sallam, il demande au sujet de qu'est-ce que c'est l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne la réponse et lui il dit, tu as dit vrai. Donc ça c'est quelque chose d'encore étonnant, et c'est la preuve que c'est une personne qui est savante. C'est pas une personne qui pose la question par ignorance, c'est une question qui est posée de la part d'une personne qui est savante, hein. La preuve de ça c'est qu'il dit, tu as dit vrai. Donc ça prouve qu'il a la connaissance, hein. Alors dans ce cas-là, pourquoi il pose la question? Pourquoi il pose la question s'il sait déjà la réponse? Donc ça c'est quelque chose qui est étonnant. Et c'est pour ça que les sahaba ont dit, nous nous sommes étonnés de voir qu'il demande, hein, puis après il dit, tu as dit vrai. قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فذكر له صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة بعدما ذكر له أركان الإسلام والإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا فالإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة أعمال القلوب وما يقوم به من التصديق والعلم ولا بد من الإسلام والإيمان جميعا الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب. Donc le cheikh explique ensuite qu'il a demandé au sujet de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est l'iman? Il a répondu que la foi c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire au jour dernier, de croire en la prédestination, de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal pour nous. Hein? Donc il lui a mentionné les six piliers de la foi. Et ça c'est après lui avoir expliqué les cinq piliers de l'islam. Donc on a déjà expliqué ça dans les cours précédents, on a dit que lorsque le mot islam et iman sont mentionnés ensemble dans un même verset, dans un même hadith, on va donc dans ce cas-là séparer leur signification. Hein? Lorsque ces deux termes sont mentionnés dans un même hadith, islam et iman, dans un même verset ou dans un même hadith, on va séparer leur signification. On va dire dans ce cas-là que l'islam signifie les actes apparents et l'iman signifie les actions intérieures et cachées. Hein? Comme par exemple les actions du cœur. Et qu'est-ce qui est dans le cœur, comme le fait de reconnaître, hein, que quelque chose est véridique et d'avoir la connaissance de cette chose. Ça, c'est des actions du cœur. Et il faut absolument posséder ces deux choses ensemble. L'islam et l'iman, les deux ensemble. Les actes extérieurs et les croyances du cœur. Donc, à l'islam, l'islam c'est les actions apparentes et l'iman les actions intérieures. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la preuve de ça c'est dans une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par l'imam Ahmad selon Anas dans lequel il dit que l'islam c'est qu'est-ce qui est apparent et la foi c'est qu'est-ce qui est dans le cœur. Hein? Donc ça c'est yani, une parole du professeur Sam qui clarifie cette signification là. Ensuite il dit فإن ذكر جميعا صار لكل واحد معنى خاص به وإذا ذكر واحدا منهما دخل فيه الآخر إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان لأنه لا يصح إسلام بدون إيمان ولا يصح إيمان بدون إسلام لا بد من الاثنين فمهما فهما متلازمان ولهذا يقولون إن الإسلام والإيمان من الأسماء التي إذا اجتمعت اقترنت وإذا انفردت اجتمعت أي يدخل بعضها في بعض لأنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. Donc le cheikh explique que, comme on a dit, si les deux mots sont mentionnés ensemble dans un seul verset ou dans un seul hadith, ils ont deux significations différentes. Les actions extérieures, c'est pour l'islam, et les actions intérieures ou les croyances et ainsi de suite, ça c'est pour l'iman. Maintenant, si on les mentionne séparément, c'est-à-dire on mentionne dans un verset seulement l'iman, ou dans un hadith seulement l'iman, tout seul. Et dans ce cas-là, l'iman dans ce verset ou dans ce hadith implique les deux. Il implique les actions extérieures et les actions intérieures ensemble. Hein? Donc, quand on mentionne un seul des deux, celui-là a la signification des deux réunis. Donc, par exemple, si dans un verset on mentionne l'islam, ça implique l'iman ensemble, l'iman et l'islam. Et si on mentionne l'iman tout seul, ça implique l'islam ou l'iman. Le cheikh explique pourquoi. Parce qu'il n'est pas possible que quelqu'un ait l'islam sans avoir la foi. C'est-à-dire, c'est pas possible que quelqu'un fasse les actions apparentes et extérieures sans qu'il ait la foi dans son cœur. Et c'est pas possible le contraire non plus. C'est-à-dire, c'est pas possible que quelqu'un ait la foi sans qu'il ait les actions extérieures. Et c'est pas possible que quelqu'un ait les actions ou ait la foi sans avoir les actions extérieures. Bon. Je ne sais pas si je me suis répété, ça m'arrive des fois. Hein? Donc, soit tu dois avoir les actes extérieurs et intérieurs, les deux ensemble. Si tu as juste un des deux, ça ne marche pas. Hein? Si tu as juste les actions extérieures, tu n'as pas la foi, qu'est-ce qui est intérieur, c'est pas complet. Et si tu as juste les croyances et les choses, les actions intérieures, mais t'as pas les actes extérieurs, ça marche pas. Donc ceux, par exemple, qui va dire, une personne qui va dire, par exemple, moi je fais pas la prière, ou bien je fais pas le jeûne. La foi c'est dans le cœur. J'ai pas besoin de faire les actions. C'est juste la foi. Tu lui dis non, c'est pas correct. Il faut avoir la foi dans le cœur. Mais si tu as vraiment la foi dans le cœur, eh bien ça va te pousser à faire les actes. À faire les actions de la foi. S'il y en a un, puis il n'y a pas l'autre, ça veut dire que soit que les deux sont pas là peut-être. C'est ça que ça veut dire. Les deux sont pas là du tout. Hein? C'est une fausse prétention. Donc, il faut que les deux soient présents. Ensuite, le cheikh, il dit, donc, que ces mots-là font partie des mots que lorsqu'on les mentionne ensemble, leur signification se sépare, et lorsqu'on les mentionne séparément, leurs significations se réunissent. فسأله عن الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة وبين له صلى الله عليه وسلم أركان كل أو أركان كل من الإسلام والإيمان. Donc l'homme a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet des actions apparentes et des actions cachées, intérieures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a clarifié les piliers de chacun des deux, de l'islam et de l'iman. قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله إلى آخر الكلام. سبق أن المحسن هو من يعبد الله على المشاهدة واليقين كأنه يرى الله، أو يعبد أو من يعبد الله أو يعبد الله يعبده على المراقبة، وهو يعلم أن الله يراه فيحسن العمل لأن الله مطلع عليه. فالمحسن يعبد الله إما على المشاهدة في القلب على وهذا أكمل، وإما على المراقبة، وأن يعلم أن الله يراه في أي مكان أو في أي عمل يعمله، هذا هو المحسن أو هذا هو الإحسان. Donc le cheikh explique, il dit que ensuite l'homme a demandé, donne-moi l'information au sujet de l'ihsan. Qu'est-ce que c'est l'ihsan? On a expliqué que l'ihsan, c'est la bonté et le perfectionnement de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que l'ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Donc on a expliqué que al-muhsin, la personne qui a al-ihsan, c'est une personne qui adore Allah comme si elle le voyait. Et elle l'adore avec tellement de conviction et de certitude que c'est comme si elle voyait Allah subhanahu wa ta'ala avec ses yeux. C'est comme si elle le voyait. Ça, c'est le premier degré des deux. Ensuite, le deuxième, on a dit que si elle n'arrive pas à ce degré-là de certitude, elle adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si Allah le surveillait, comme si Allah le regarde. Elle est consciente et elle sait que Allah subhanahu wa ta'ala le regarde à ce moment-là, alors il fait son effort pour faire l'action de la meilleure façon, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de le regarder. Donc ça, c'est une personne qui est muhsin. Une personne qui est muhsin. Parce qu'elle elle adore Allah avec ihsan. Ok? Donc, le muhsin, soit qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait, par son cœur, et ça c'est le niveau le plus parfait, ou bien qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala yani, comme si Allah le surveille. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de le regarder et il sait que Allah subhanahu wa ta'ala le voit à tout endroit, en tout lieu, peu importe l'action qu'il est en train de faire. C'est ça l'ihsan. D'accord. قال صدقت فأخبرني عن الساعة أي عن قيام الساعة متى. ولما كان هذا السؤال لا يعلم أحد الجواب عنه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن قيام الساعة لا يعلم تحديده إلا الله عز وجل، نحن نعلم أنها ستقوم الساعة لا نشك في هذا، ومن شك في هذا فهو كافر، نعلم أنها ستقوم الساعة ولا بد، ولكن الوقت الذي تقوم فيه الساعة لله، أو الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا عنه ولم يبينه لنا، واستأثر بعلمه. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة، وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قال قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، هو الذي يعلمها سبحانه. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. Donc le cheikh il dit tu as dit vrai. Par la suite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit tu as dit vrai par rapport à l'ihsan. Il dit par la suite et donne-moi l'information maintenant au sujet de l'heure du jugement dernier. Ça va être quand l'heure du jugement dernier? Et il a répondu que cette question, personne n'en connaît la réponse excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sait quand est-ce que va être l'heure du jugement dernier. Vous entendez parfois chez les chrétiens des gens qui essaient de déterminer ça va être quelle année. Quelle année? Chaque année, ils proposent une année. Ils disent bon, c'est à telle année que va venir la fin du monde. Et puis quand cette année-là arrive, il n'y a pas de fin du monde, là ils disent ah on s'est trompé, maintenant c'est une autre année. À chaque fois ils font ça. Donc il y a certains groupes comme ça qui jouent avec ça. Allah musta'an. Mais nous, on est certain et on sait une chose, c'est que personne parmi les créatures ne peut savoir quand va être l'heure du jugement dernier. Le seul qui peut connaître l'heure du jugement dernier, c'est le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et nous, on ne doute pas. C'est-à-dire, on n'a pas aucun doute. On n'a aucun doute sur le fait qu'il y aura un jugement dernier et il y aura une heure du jugement dernier. Celui qui doute sur ça, il n'est pas musulman, il est kafir. Hein? Il n'est pas croyant. Nous, on sait qu'il y aura ce jour, il y aura cette heure, hein, et ça c'est certain. Mais le moment ou l'heure à laquelle cette chose-là va se produire, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous en a pas informé. Donc on ne peut pas le savoir. Il ne nous l'a pas expliqué, il ne nous l'a pas clarifié, il a gardé cette connaissance-là pour lui. Hein? Et il mentionne des versets à ce sujet-là, comme le verset 34 dans Surat Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède la connaissance de l'heure. Et dans un autre verset, le verset 187 dans Surat Al-A'raf, il dit, il te demande au sujet de l'heure, quand est-ce qu'elle va venir? Quand est-ce qu'elle va jeter l'ancre? Dit, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui possède la science à ce sujet-là. Et il n'y a personne qui peut découvrir son moment excepté lui, ou qui peut connaître le moment de cette heure excepté lui. Donc c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît. Et le verset 59 dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et c'est lui qui détient les clés de l'invisible ou de l'inconnu. Nul ne les connaît excepté lui. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède les clés de l'invisible, les clés de l'inconnu. Na'am. Et il dit ensuite, وقال صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي أنا وأنت سواء لا نعلم متى تقوم الساعة. الله جل وعلا لا يطلع على هذا إلا لم يطلع على هذا لا الملائكة ولا الرسل ولا أحدا بل استأثر بعلمه أو بل استأثر بعلمها سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril que la personne qui est questionnée, c'est-à-dire la personne qui est questionnée, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas plus la connaissance que le questionneur, n'a pas plus la réponse que le questionneur. Donc personne, ni toi, ni moi, n'avons cette connaissance-là. Nous sommes égaux à ce sujet-là, c'est-à-dire, tous les deux, on ne connaît pas quand est-ce que l'heure va venir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné la connaissance de cela à quiconque d'entre les créatures, ni aux anges, ni aux prophètes et aux messagers, ni à personne. Hein? Personne ne connaît l'heure du jugement dernier et quand est-ce qu'elle va venir, il a gardé cette connaissance-là uniquement pour lui. Et ça, même dans la Bible, hein, les chrétiens, ils le mentionnent, hein, et dans ce qui est attribué aux paroles de Isa, alayhi salam, quand ils lui ont posé la question, quand est-ce que va venir l'heure, il a dit, nul ne sait l'heure. Même lui, il ne la connaissait pas. Ça, c'est une des preuves qu'on mentionne souvent pour clarifier que Jésus n'est pas divin et qu'il n'est pas Dieu. Et qu'il n'avait aucune connaissance de l'invisible, et que s'il savait quoi que ce soit de l'invisible, eh bien, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle, comme il révèle certaines connaissances de l'invisible à certains de ses messagers quand il veut. Mais c'est pas qu'il a cette connaissance-là à volonté et puis qu'il peut tout savoir ce que Allah connaît. Non. Hein? Ça c'est très important de le comprendre. Donc il connaissait pas l'heure. Hein? Donc c'est la preuve qu'il n'est pas Dieu. قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها. Donc donne-moi l'information au sujet des signes. On ne sait pas quand est-ce que ça va être l'heure du jugement dernier, mais l'heure du jugement dernier, elle a des signes qui nous indiquent qu'elle approche. Donc c'est quoi les signes? الأمارات جمع أمارة وهي العلامة أما الإمارة بالكسر فهي الولاية. Donc Amara, le mot Amara ou Amarat au pluriel, ça veut dire, c'est le pluriel de Amara qui veut dire Alama. En arabe, le mot Alama, ça veut dire un signe. Et Al-Imara, au lieu de Amara, Imara c'est une autre chose qui a une autre signification, ça veut dire la gouvernance. Tandis que Al-Amara, c'est les signes. Vous voyez, vous changez juste une voyelle, puis ça change tout le mot. Amara, imara, c'est deux choses différentes. Akhbirni an amaratiha, ay al-alamat, allati tadullu ala qurbi qiyamiha. Na'am, as-sa'atu laha amarat. Wa qad bayyanaha Allah subhanahu wa ta'ala, minha amaratun saghira, wa minha alamatun kabira, wa minha mutawassita. ومنها علامات مقاربة للساعة تكون عند قيام الساعة تكون قريبا من قيامها أما العلامات الأخرى فإنها متقدمة. Donc le cheikh explique que oui, il y a des signes pour la venue du jugement dernier que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié. Parmi ces signes, il y en a des petits signes, il y a des grands signes et il y a des signes moyens. Et parmi les signes, il y en a qui sont très proches de l'heure du jugement dernier, c'est-à-dire qui sont très très proches de l'heure. Quand ces signes-là arrivent, ça veut dire l'heure est arrivée. Et il y en a d'autres parmi les signes qui sont très en avance, c'est-à-dire qui sont avant la venue de l'heure. العلماء يقولون علامات الساعة على ثلاثة أنواع وهي علامات صغيرة ومتقدمة وعلامات متوسطة وعلامات كبيرة. العلامات الصغيرة والعلامات المتوسطة كلها حصلت أو حصل معظمها. أما العلامات الكبار فظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج فهذه تكون عند قيام الساعة وتتتابع. Donc le cheikh explique que les ulama donc ont divisé les signes en trois catégories comme on l'a dit tout à l'heure, les petits et ceux qui sont très tôt, qui arrivent très tôt, les moyens et les grands signes. Les petits signes et les signes intermédiaires ou moyens, ils sont tous arrivés presque. Ils sont tous arrivés. Ou la plupart d'entre eux sont arrivés. En ce qui concerne les grands signes, comme l'apparition du Dajjal, la descente de Jésus, Isa, Ibn Maryam, la sortie de la bête, qui va sortir à la fin des temps, et la sortie de Gog et Magog, ça c'est des choses qui vont arriver à la fin des temps complètement, ce sont les grands signes, et ces signes-là, ils vont se succéder et se suivre un après l'autre. Quand ils arrivent, ils sont très proches l'un de l'autre. قال أخبرني عن أماراتها لما كانت أماراتها معلومة أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أن تلد الأمة ربتها وهذا من علامات الساعة. الأمة هي المملوكة وربتها سيدتها. Donc il a dit donc informe-moi au sujet de ces signes, et donc on connaît pas l'heure mais on connaît les signes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu au sujet des signes et il a donné comme exemple le signe que la maîtresse ou bien plutôt l'esclave va mettre au monde sa maîtresse. L'esclave va mettre au monde sa maîtresse. Et ça, ça fait partie des signes du jugement dernier. Al-Ama, c'est l'esclave, et Rabbataha, c'est sa maîtresse. Ensuite, il dit وقال الشراح معناه والله أعلم أنه في آخر الزمان يكثر التسري يعني يكثر وطء الإماء أي المملوكات ويلدن بنات تكون بنتها حرة وتكون سيدة لأمها أو تكون سيدة لأمها ومالكة لها. وقيل معناه أنه يكثر العقوق فتكون البنت كأنها سيدة لأمها. Donc le cheikh explique qu'il y a deux explications par rapport à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des signes du jugement dernier. La première explication qui est mentionnée à ce sujet, c'est que certains savants ont dit que le fait que l'esclave va mettre au monde sa maîtresse, ça signifie que vers la fin des temps, il y aura beaucoup d'esclaves, et que parmi ces esclaves, certains hommes vont avoir des esclaves et ils vont avoir des filles avec ces esclaves, et elles vont être esclaves, tandis que leurs enfants, leurs filles vont être libres. Donc elles seront comme des maîtresses. Ça c'est une interprétation de cette parole. Toutefois, il y a aussi une autre explication à ce hadith, c'est que à la fin des temps, il y aura beaucoup d'enfants qui vont agir de façon très mauvaise envers leurs parents, et donc les filles qui vont traiter leur mère comme des esclaves. Hein? Ça c'est une autre explication de ce hadith. Et là, comme on appelle les enfants rois, comme tu dis. C'est exactement ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté, qu'on voit maintenant. C'est là des parents qui sont devenus les esclaves de leurs enfants. Hein? Subhanallah. Et tu les vois même des fois dans la rue ou quoi. Les enfants, quand ils veulent quelque chose puis que leurs parents refusent, la réaction des enfants et la réaction par la suite des parents. C'est comme s'ils se sentent obligés d'obéir à leurs enfants, c'est devenu comme des esclaves devant leurs enfants. L'amstan. La fille qui dit à sa mère, fais ça, ramasse ça, donne-moi ça, va chercher ça, donne-moi ça. C'est comme si c'était sa maîtresse. L'amstan. قال وأن ترى الحفاة الحفاة هذه علامة ثانية الحفاة الذين ليس لهم نعال من الفقر والفاقة العراة الذين ليس لهم لباس والعالة العالة الفقراء رعاء الشاء جمع راع الذين يرعون الغنم أو الأغنام هؤلاء كانوا في الأصل في البراري في بيوت متنقلة أو يتنقلون من محل إلى آخر وفي آخر الزمان يستوطنون في المدن يبنون القصور والعمارات الشاهقة هذا من علامات الساعة إذ تحولت البادية إلى حاضرة وصاروا يتطاولون في المباني ويتباهون بها وينمقونها وهم ليس من عادتهم يتحولون إلى أغنياء إلى أصحاب ثروة وأصحاب مظاهر وهذا من علامات الساعة. Donc le cheikh il explique que le deuxième signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné au sujet de la venue de l'heure, c'est qu'il dit, tu vas voir al-hufat. Al-hufat en arabe, ça veut dire, c'est des gens qui n'ont pas de sandales, ils n'ont pas de chaussures dans leurs pieds. Ils sont pieds nus parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir quelque chose dans leurs pieds. Donc ils sont nu-pieds. Hein? Al-urat, c'est-à-dire ils sont... Ils n'ont pas de vêtements. Al-'ala, ça veut dire al-fuqara. Donc ce sont des nu-pieds, nus et pauvres. Hein, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Et c'est tous des signes qui montrent que c'est des gens qui n'ont rien. Hein. Malgré tout, en plus de ça, une autre description à leur sujet, c'est que ce sont des gens qui sont des éleveurs de moutons. Des éleveurs de moutons. Les éleveurs de moutons, ceux-là sont pareils. C'est, en général, c'est des pauvres. Surtout quand c'est des bédouins ou les Arabes, c'est comme ça, ils faisaient. C'était des nomades. C'était des nomades, comme le cheikh il explique. Ils vivent dans le désert, ils ont des maisons qu'ils transportent avec eux et ils se déplacent d'un endroit à un autre. Ils ne restent pas à la même place à chaque fois. C'est pas des sédentaires, c'est des nomades. Et à la fin des temps, ils vont s'installer dans les villes. Ils vont cesser d'être des nomades. Ils vont devenir, comme on veut, si on veut, civilisés. Et ils vont commencer à vivre dans les villes et ils vont commencer à se faire construire des châteaux et des immeubles énormes. Et ça, c'est un des signes du jugement dernier, que les bédouins deviennent civilisés et sédentaires. Et qu'ils commencent à se faire la compétition entre eux dans la hauteur de leurs bâtiments et de leurs constructions. Hein? Et, yani, ils deviennent riches. Ils deviennent riches et ils commencent à avoir de grandes richesses et à avoir une belle apparence et à se faire construire des immeubles et des châteaux et des demeures élevées. Donc ça fait partie des signes du jugement dernier et ça on le voit maintenant. Hein? Les gens de la campagne, les gens qui vivent à l'extérieur des villes, qui sont pauvres, qui n'avaient rien et qui deviennent des gens riches, qui commencent à se faire construire des choses, hein, des bâtiments, des châteaux, des tours et ainsi de suite. Donc, il y a des pays maintenant. Si tu retournes, par exemple, 50 ans en arrière, c'était des déserts. Aujourd'hui, tu vas là-bas, tu vois des grandes villes modernes, hein, avec des tours parmi les plus hautes au monde. Ça fait, certes, c'est clair que ça fait partie des signes du jugement dernier. Ça fait partie des signes du jugement dernier. Ensuite, le cheikh dit, « Kama ta'alamoun, kama ta'alamoun. » كما تعلمون فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما تعلمون الآن كيف حال الناس لقد تغيرت الأحوال وتحول الفقراء إلى أغنياء أصحاب ثورات أصحاب ثروات وتحضرت البادية وبنوا وتطاولوا في البنيان وهذا مصداق أو هذا وهذا مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit, comme vous savez, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il ne parle pas selon sa passion. Hein? Comme vous savez aujourd'hui, comment l'état des gens a changé, comment les gens sont changés. Ils étaient pauvres et maintenant ils sont devenus riches. Hein? C'est devenu des gens qui possèdent de grandes richesses. Et les bédouins sont devenus des gens civilisés qui vivent dans les villes maintenant et qui se compétitionnent les uns les autres dans la construction des tours et des bâtiments. Donc ça c'est pour venir confirmer la parole de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. قال ثم خرج ولبثنا مليا يعني وقتا قصيرا. On dit, ensuite, l'homme est parti, et nous, on est resté un petit bout de temps comme ça, après qu'il soit parti. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا عُمَرْ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلِ أو تَدْرُونَ مَنِ السَّائِلِ وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بالرجل فطلبوه فلم يقدروا عليه. Donc le cheikh il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Omar, s'est adressé à Omar qui rapporte cette histoire, est-ce que tu sais qui était cette personne qui est venue poser des questions? Et dans une autre narration, il s'adresse à ceux qui étaient là, il dit, est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous savez qui était cette personne qui est venue poser des questions? Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on ramène cet homme. Alayya bir rajul, ramenez-moi cet homme. Ils sont partis pour aller le chercher, ils ne l'ont pas trouvé. Ça c'est rapporté par An-Nasa'i dans Al-Kubra, selon le hadith de Ibn Omar et de Ibn Hibban, et selon Ibn Hibban wa Dharqutni, selon le hadith de Omar ibn al-Khattab. Donc ensuite le cheikh il mentionne la suite du hadith. Il dit قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم وهذا الذي دخل وسأل هذه الأسئلة هو جبريل عليه السلام وجاء في سورة رجل كما وصف لغرض تعليم الحاضرين أمور دينهم على طريق السؤال والجواب. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'était Jibril qui était venu pour vous apprendre les affaires de votre religion. Donc ça c'est, pour comprendre que cet homme qui est venu, c'était Jibril, alayhi salam. Il est venu sous l'apparence d'un homme, dans le but d'enseigner aux personnes qui étaient présentes la religion. Et la méthode qu'il a employée, c'est la méthode des questions-réponses. Et ça c'est une très très bonne méthode d'enseigner. Ensuite le cheikh il dit fadalla hadha al hadith ala masa'il azima. Al oula anna ad-din yanqasim ila thalath aqsam. Ila thalath maratib. Al islam wal iman wal ihsan. Al oula anna ad-din yanqasim ila thalath maratib. الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة أعلى من التي قبلها وأن كل مرتبة لها أركان أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان ركن واحد أو والإحسان ركن واحد أركان الإيمان والإحسان ركن واحد. Donc voici un résumé des points qui sont dans ce qu'on a expliqué dans ce hadith. Premièrement, la religion se divise en trois degrés. L'islam, l'iman, la foi, et l'ihsan. Et chacun de ces degrés est plus haut que le précédent. Et chaque degré a des piliers. L'islam a des piliers, la foi a des piliers, et l'ihsan, il a un pilier. Deuxièmement, thaniya. فيه التعليم بطريق السؤال والجواب وهذه طريقة تعليمية ناجحة لأنها أدعى للانتباه وتلقي العلم وكونه يسأل ويتهيأ ذهنه يتطلب الجواب ثم يلقى عليه الجواب أو يلقى عليه الجواب وهو يتطلع إليه يكون هذا أثبت. Donc le cheikh il dit deuxièmement que dans ce hadith il y a l'enseignement par la question ou par la méthode de la question et de la réponse. Su'al wa jawab. Il dit quand il y a un enseignement avec cette méthode, eh bien c'est une méthode qui réussit. C'est une méthode efficace parce qu'elle attache ou elle attire ou elle prend l'attention de la personne. La personne apprend la science en préparant son esprit à répondre, en cherchant la réponse. Puis, elle trouve la réponse. Donc, c'est quelque chose qui fait que cette connaissance-là va rester dans son esprit plus fermement, plus solidement. Troisième point, الثالثة, وفي الحديث دليل على أن من سأل عن العلم وهو لا يدري عليه أن يقول الله ورسوله أعلم. ويكل العلم إلى عالمه فلا يتكلم بالجواب وهو لا يعرفه ويتخرص هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما قال للصحابة أتدرون من السائل وهم لا يعرفون قالوا الله ورسوله أعلم. فدل ذلك على أن مسائل الشرع ومسائل الدين لا يجوز التخرص فيها لأن هذا من التكلف ولكن من كان عنده علم فإنه يجيب، ومن ليس عنده علم يقول الله أعلم، ومن قال لا أدري فقد أجاب. Donc le cheikh explique que, troisièmement, dans ce hadith, il y a la preuve que lorsqu'on est questionné au sujet d'une science, hein, et qu'on ne connaît pas la réponse, on peut répondre en disant « Allah et son messager savent mieux ». Donc tu remets la connaissance de cette chose à celui qui la connaît, et donc tu ne vas pas mentionner ou répondre alors que tu ne connais pas la réponse, ou commencer à faire des devinettes. Ça, c'est pas permis. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné au sujet de l'heure du jugement dernier, il a dit quoi? Il a dit, mal mas'oul anha bi'a'lam min as-sa'il. C'est-à-dire, la personne qui est questionnée, elle sait pas plus que le questionneur. Donc, il connaît pas la réponse, il l'a dit tout de suite. Donc, si on te pose une question sur la religion, quelque chose qui a rapport avec l'islam, tu connais pas la réponse, alors tu dis, Allahu a'lam. Allah, c'est mieux. Et les sahaba, lorsqu'on leur a posé la question, est-ce que vous savez qui était cette personne qui est venue poser des questions? Ils ont répondu quoi? Ils ont répondu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux. Ça, c'est la preuve que dans les questions de religion, dans les questions de la législation et de la révélation, il n'est pas permis de deviner ou d'essayer de deviner des choses. Il faut se baser sur une science. Hein? On n'est pas chargé de chercher à deviner des choses dans la religion. Si on a de la science, on répond. Mais si on n'a pas de science, on dit « Allahu a'lam ». On dit « Je ne sais pas ». Et celui qui dit « La adri »,« Je ne sais pas », il a répondu. Comme les ulama de l'islam ont dit. Si quelqu'un dit « Je ne sais pas », il a répondu. « Wa qad su'ila l'imam Malik rahimahullah an 40 mas'ala » فأجاب عن ست منها وفي الباقي وقال في الباقية لا أدري فقال له السائل أنا جئت من كذا وكذا وسافرت وتعبت راحلتي وتقول لا أدري قال اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل سألت مالكا فقال لا أدري وهذا ليس عيبا أن الإنسان إذا كان لا يعرف الجواب في الأمور الشرعية أنه يقول لا أدري ولو كان عالما أنه يقول لا أدري ولو كان عالما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh, un point ici qui est très important. Et ça, c'est pour nous faire comprendre en même temps la méthode, comment on doit agir vis-à-vis de ces situations-là, parce qu'on est souvent mis en face de des situations semblables, et des fois, on ne sait pas comment réagir. La preuve, c'est que qu'est-ce qu'on remarque de plus en plus de la part de certaines personnes, certains musulmans, lorsqu'ils sont questionnés dans la religion, ils vont répondre à des questions. Et ils vont répondre sans connaissance. Et ça, c'est dangereux. Regardez l'exemple que le cheikh, il mentionne ici. Regarde l'imam Malik, qui est un des plus grands savants de l'histoire de l'islam. Imam Malik ibn Anas, hein, qu'on appelait imam Udar al-Hijra à son époque, qui fait partie des imams des salafs, des grands savants parmi les pieux prédécesseurs. Il a été questionné, on lui a posé 40 questions. Et sur les 40, il a répondu à 6 seulement. Hein? On lui a posé 40 questions sur la religion. Sur ces 40, il a seulement répondu à 6 questions. Alors la personne qui a posé les questions à l'imam Malik, et pour le reste des questions, il n'a pas trouvé de réponse. L'imam Malik disait « La adri ». Il dit « Je ne sais pas ». Je sais pas. Je sais pas. Ça veut dire 34 questions, il savait pas la réponse. Subhanallah. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? La personne qui est venue poser les questions à l'imam Malik, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, à notre époque, tu veux poser une question, tu prends ton téléphone. T'appelles le cheikh, t'es ici à Montréal, t'appelles le cheikh qui est en Arabie Saoudite, hein, ou bien ailleurs, tu lui poses une question. T'as pas besoin de te fatiguer, t'as pas besoin, hein, de voyager, rien. Prends juste le téléphone. À cette époque-là, c'était pas comme ça. À cette époque, les gens faisaient des voyages qui pouvaient prendre un mois, deux mois à dos d'âne, à dos de chameau. Partir d'un endroit du monde pour aller à un autre, hein, sous le soleil, la chaleur, le froid, la faim, le danger, pour arriver jusqu'à cet imam ou ce savant pour lui poser des questions sur la religion. Hein. Et une fois arrivé là-bas, donc imaginons, l'imam Malik, il vivait toute sa vie à Médine. Et la personne qui posait les questions, il vient de l'Espagne ou de l'Andalousie. Donc il est parti de l'Andalousie jusqu'à Médine. Subhanallah. Ça prend des mois pour arriver là-bas. Hein? À pied, ou à dodane, ou à chameau, des choses comme ça. Il arrive pour poser des questions à l'homme ou un des hommes les plus savants de son époque sur la religion. Et il pose 40 questions, et il trouve la réponse seulement pour 6. L'homme, il a dit à l'imam Malik, je suis venu de tel et tel endroit, et j'ai voyagé, et j'ai fatigué ma monture. Et toi, quand j'arrive, je te pose ces questions, tu me dis, je ne sais pas. Alors l'imam Malik, qui lui a répondu, lui a dit, remonte sur ta monture, retourne dans le pays duquel tu viens, et si on te demande, dis, j'ai posé les questions à l'imam Malik et il ne sait pas. Hein? Et donc le cheikh, il dit, il n'y a aucun blâme et aucune honte ou aucun mal à ce qu'un être humain ou à ce que quelqu'un dise, je ne sais pas la réponse dans les questions de la religion. Il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'y a aucune gêne là-dedans. Il n'y a aucun blâme là-dedans. Hein? Il dit, je ne sais pas. Même si c'est un savant, je ne sais pas. S'il ne le sait pas, il ne le sait pas. Hein? Comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand savant parmi les hommes. Et pourtant, il a dit, je ne sais pas. Quand on lui a posé la question au sujet de l'heure du jugement dernier, il a dit, je ne sais pas. Et souvent, les questions, on lui posait, le professeur ne savait pas la réponse. Il attendait la révélation. Il attendait que Allah lui révèle la révélation. Et là, après, quand il recevait la révélation, il disait, où est l'homme qui m'a posé telle et telle question tout à l'heure? Alors l'homme, il revenait et disait, voici la réponse. Il a reçu la révélation à ce sujet. Hein? Donc ça, c'est la preuve qu'on se base sur la science et non pas sur l'ignorance pour répondre dans les questions de religion. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ فِي بَعْضِ الْأَسْئِلَةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اِنْتَظَرَ حَتَّى يَنْزِلُ الْوَحْيِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. أَلَسْتُمْ تَقْرَعُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ كَذَا يَسْأَلُونَكَ عَنْ كَذَا قَالَ كَذَا قُلْ كَذَا إلى آخره. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Donc le cheikh, il dit, il y a beaucoup d'exemples dans lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de révélation au sujet de quelques questions qu'on lui avait posées. Donc il attendait jusqu'à ce qu'il reçoive la révélation sur cette question là hein, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne quelque chose dans la révélation. Et il dit, n'avez-vous pas lu les versets dans le Coran lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne et il te demande, hein, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce qui signifie, il te demande au sujet de telle ou telle chose, dis, hein, telle chose. Par exemple, le verset 219 dans surat al-Baqarah et le verset 189 dans surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il te demande au sujet de l'alcool et des jeux de hasard. Dit, il y a dans ces deux choses-là un grand péché. Dans un autre verset, il te demande au sujet des croissants de lune. Dit, ce sont des signes par lesquels on détermine les différents moments ou les différentes périodes pour les hommes par rapport au hajj ou à d'autres formes d'adoration, ou ainsi de suite. Far Rasul sallallahu alayhi wa sallam, كان إذا سئل ولم يكن عنده جواب ينتظر حتى ينزل عليه أو حتى ينزل عليه الوحي من الله. وكذلك غيره من باب أولى ينتظر حتى يسأل عن حتى يسأل غيره أو يبحث عن المسألة في كتب أهل العلم ليتحصل على جواب. أما أن يستعجل فهذا فيه خطورة عظيمة وفيه سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الذي يجيب يجيب عن شرع الله، يقول الله أحل كذا أو حرم كذا أو شرع كذا، فالأمر فيه خطورة جدا. Donc le cheikh explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est questionné à propos de quelque chose et qu'il n'a pas de réponse, il attend jusqu'à ce que cette réponse soit révélée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si c'est le cas pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors pour quelqu'un d'autre c'est encore plus important pour lui de s'abstenir de répondre sans connaissance, hein? Et quelqu'un d'autre donc autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit attendre jusqu'à ce qu'il demande à quelqu'un d'autre, ou bien qu'il recherche la question dans les livres des hommes de science pour qu'il puisse trouver une réponse. Mais si quelqu'un se précipite et se dépêche, hein, il se précipite dans ces questions-là, ça c'est un grand danger. Et il y a dans ça un mauvais comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette personne, elle répond, quand elle répond au sujet de quoi? Elle répond au sujet de la révélation d'Allah, de la religion d'Allah. Donc c'est pas comme s'il parle de n'importe quel sujet, hein? C'est très grave. Donc toi tu vas dire Allah a rendu telle chose halal, ou Allah subhanahu wa ta'ala a rendu telle chose haram, ou Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré telle chose, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ou Allah subhanahu wa ta'ala a yani permis ou interdit telle ou telle chose. Ça c'est très très grave, c'est très sérieux comme, hein, comme sujet. المسألة الرابعة، quatrième point، في الحديث دليل على آداب المتعلم. جبريل وهو سيد الملائكة يجلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويضع يديه على فخذيه يسأل بأدب. هذا من أجل أن يعلم الناس كيف يتأدبون مع العلماء. Donc il y a un autre point aussi, le quatrième point, c'est dans les manières à adopter envers les, hein, envers les savants lorsqu'on va apprendre. Donc le cheikh il dit que on voit ici les manières que doivent prendre les étudiants et les élèves quand ils vont apprendre la religion. Et on voit ici que c'est Jibril qui vient s'asseoir devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il enligne ses genoux avec les genoux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il pose ses deux mains sur ses cuisses pour poser la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre que il y a une manière, une bonne manière à adopter dans la quête de la science, hein. وهذا بعض ما يدل عليه الحديث فيه. مسألة خامسة وهي بيان بعض علامات الساعة. ذكر علامتين، أن تلد الأمة ربتها، وبعض العلماء يقول معنى أن تلد الأمة ربتها أنه يكسر العقوق في آخر الزمان حتى تصبح البنت كأنها سيدة على والدتها، تأمرها وتنهاها وتغلظ عليها. Donc ça c'est quelques points de ce qui est mentionné dans ce hadith. Et le cinquième point c'est par exemple qu'est-ce qu'on a expliqué déjà au sujet des signes du jugement dernier, que la femme elle va mettre au monde sa maîtresse, elle va être comme une esclave vis-à-vis de sa fille. Certains savants ont expliqué ça de cette manière-là, qu'il y aura beaucoup de mauvais comportements de la part des enfants. À la fin des temps, la fille va devenir comme si elle était une maîtresse et elle donne des ordres à sa mère comme si sa mère était son esclave. Fais ça, fais pas ça, ramène-moi ça, enlève ça, fais pas ça, hein, fais ça. Donc, elle devient comme un esclave. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui. Hein? C'est comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui maintenant. Allah al-musta'an. Nasallallahu ala afiyah. Donc, maintenant, c'est pas étrange. Ici, on voit souvent ça, surtout ici au Canada et en Occident en général, des enfants qui insultent leurs parents et qui les maltraitent. Hein? Bon, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on a fini Al-Asl al-Thani, le deuxième pilier. Le deuxième fondement dans Al-Usul al-Thalatha, on a terminé ce fondement-là aujourd'hui. Maintenant, au prochain cours, demain, Inch'Allah, on rentre dans le dernier fondement qui est mentionné dans Al-Usul al-Thalatha, c'est Al-Asl al-Thalith, Ma'rifatu Nabiyikum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance de votre prophète. Qui est votre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et c'était quoi sa mission? C'était quoi son message? Hein? Et comme je l'avais mentionné déjà, donc Al-Usul al-Thalatha, c'est un livre, du début jusqu'à la fin, il parle du tawhid. Et les trois fondements, c'est les trois fondements de la religion. Et on voit que quand il dit par exemple, qui est ton Seigneur? Ça c'est de connaître le tawhid, l'unicité d'Allah. Quelle est ta religion, l'islam? C'est la religion du tawhid. Et quel est ton prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est le prophète du tawhid. Hein, tous les messagers ont enseigné le tawhid, sauf que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier, et il a confirmé et établi encore plus clairement et fermement que tous les autres les concepts et les questions qui ont rapport avec le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته